Nous prendrons le paragraphe 12 et 13. Et alors, la vision m'est revenue à l'esprit. La vision. Donc là, ce n'était pas un ange qui est venu de la part de Dieu, ni le Seigneur Dieu lui-même, sous forme de la colonne de feu. Et dans la vision, alors la vision me revenait à l'esprit. Le jour où j'ai posé la pierre angulaire, en retournant à la maison, je rapportais cela à mon épouse. Combien se rappelle la vision? Il y avait eu le matin de la pose de la pierre angulaire. Elle se trouve là. Dans la pierre angulaire en ce moment. Et il y a 33 ans, mais ça je pense. Ok. Et c'était, j'étais juste de l'autre côté de la rue ici. Et je venais de me réveiller un matin vers 7h au mois de juin. Quand la pierre angulaire a été posée, je crois en juillet. Et ce matin-là, je regardais dehors, et vers le soleil levant, à l'est, vers le soleil levant, je louais le Seigneur, parce que c'était le moment où le tabernacle allait être, où sa pierre angulaire allait être posée. Monsieur Markham, et les autres étaient là. Et un grand nombre de personnes avaient posé, pressé les fondations. Et tout le reste. Et je devais poser la pierre angulaire. Et nous avons les photos de ça. Et tout. Chacun devait mettre un petit souvenir dans la pierre angulaire. Ne l'avons-nous pas aussi fait? En tant que petite communauté ici, c'est bien. Comme nous avions dit ce jour-là, il y en avait qui étaient encore vivants parmi nous, qui ont participé à la pose de la pierre angulaire. Arrivera le moment de la dédicace. Certains d'entre nous ici ne seront plus avec nous. Qui étaient là présents à la pose de la pierre angulaire. Et il y en a qui ne sont plus, non? Et qui ne seront pas là à la dédicace. Le tabernacle des chrétiens. Et la marche se poursuit. Dieu reste. Il prend soin de sa parole. Êtes-vous là? Oui. C'est cela. Chacun devait mettre un souvenir dans la pierre angulaire. Et même les catholiques passaient là, ils laissaient tomber ce qu'ils avaient, leurs petits chapelets, dans la pierre angulaire. Toujours est-il que ce matin-là, le Saint-Esprit m'a dit, alors que j'étais établi là, je suis passé là. En ce temps-là, je n'appelais pas ça une vision. Mais je disais simplement que c'était une transe. Je l'appelais seulement une transe. Donc à l'époque, c'était pas encore vision. Nous, on devait grandir dans la connaissance et la parole. Alors, j'ai eu une vision qui m'a parlé. Il m'a été dit que mon travail se ferait entre les deux branches de Pentecôte. Le trinitaire d'un côté et les unitaires de l'autre. Son travail à lui, après la mission là, devait s'accomplir entre les deux branches de Pentecôte. Il y a les trinitaires et il y a les unitaires, mais lui c'était au milieu pour présenter la vraie vérité. Et il y avait un espace vide à remplir de chaque côté. Je ne les ai pas mélangés. J'ai simplement arraché une branche de chaque arbre. Et je les ai plantés. Et les grands arbres se sont élevés dans le ciel. Ils poussaient rapidement. Et leurs fruits tombaient par terre. Ils étaient délicieux. Ils mangeaient. Et la croix qui se trouvait juste devant moi était recouverte de fruits. Et alors, quand je suis arrivé à l'endroit, le Saint-Esprit est descendu au sommet des arbres. Et il a dit, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Vous voyez comment cela s'est produit? Donc, le Saint-Esprit est venu à travers la vision. Abraham accomplissait certains gestes. Selon ce qu'il lui était ordonné dans la vision. Alors, le Saint-Esprit est descendu. Dans un mugissement. Et il a parlé d'une voix. Dans la vision. C'est l'œuvre de l'évangéliste. C'est ça. Donc, bien donné. Mais il n'a pas dit qu'il était un évangéliste. Parce qu'il viendrait un temps où cela devait changer. Et il a dit, après que tu seras sorti de ceci, lis 2 Timothée 4. C'est le passage que nous avons lu là. Vendredi, on a lu même le verset 1, Aujourd'hui, on a choisi le verset 5. Qui était quand même un peu commenté vendredi. Mais frère, il a dit, quand sera sorti de ceci, donc quand tu as la vision qui t'ordonne de faire l'œuvre de l'évangéliste, après cette vision, lis 2 Timothée chapitre 4. Et il va trouver la même phrase qui figure là-bas. Et il a dit, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Ceci n'est pas ton tabernacle. Mon bongo. Voilà. Oyo, ezali mon bongo na yote. Mais yo salamu sala et mon palengan ici, ça m'a balam. Savez-vous ce qu'il a fait après ça? Comme il a construit un beau tabernacle, il ne voulait pas aller trop dans l'évangélisation et tout ça. Il pouvait bon d'être un pasteur quoi. Donc on a réussi à construire une église. On a construit une pasteur. Vous voyez ça? Et il n'a jamais été un pasteur couronné de succès. Parce qu'il n'avait pas la patience. Il dit, il n'avait pas la patience. Vous voulez être pasteur et faire de patience. Alors il dit, mais si tu essayais d'être pasteur, c'est en étant aussi loin que possible de l'église sur le champ missionnaire. Mais il a dit, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Ceci n'est pas ton tabernacle. L'évangéliste. Et j'ai vu le tabernacle tel qu'il est aujourd'hui. Il l'a dit dans la vision. Et j'ai dit, où est mon tabernacle? Si ceci n'est pas mon tabernacle. Où est mon tabernacle? Et il m'a placé sous le beau ciel. Le beau ciel bleu. Et il a dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Rempli pleinement ton ministère. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la terre. Mais ayant la démangeaison, dans ta mission incroyable, ils se donneront une foule de docteurs et ils se détourneront de la vérité pour suivre des fables. N'est-ce pas là ce qui s'est passé? À la lettre? Voilà pourquoi je me suis efforcé de maintenir strictement à la parole. Et c'est mon sujet de ce soir, sur ta parole. Je prêchais ce soir. Mais on parle de l'imitation du christianisme. Avez-vous remarqué ça? Quand il a demandé où est mon tabernacle, le Seigneur l'a enlevé sous un beau ciel. Il l'a placé là au ciel. Dans le vide. Et commence à lui réciter les paroles de Timothée 4. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Voyez ça? Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la fin de Christ. Mais ayant la démangeaison d'entendre son prière, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre pensée. Ils tourneront l'oreille de la vérité et ils suivront les fables. Dieu l'a placé dans le ciel et là il envoie pour faire l'œuvre d'un évangéliste. N'est-ce pas là un messager qui descend? Apocalypse 18 nous dit quoi? C'est ces anges qui viennent du ciel. Verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Un autre ange. Il avait une grande autorité. Mais il descendit. Donc, le ciel l'envoie vers la terre. Avec une mission, un message. Mais cet ange avait une grande autorité. Et toute la terre a été éclairée de quoi? Donc la gloire qu'il portait ne s'est pas limitée à l'individu. Mais elle s'est répandue sur toute la terre. Et c'est un messager qui descendait de la part de qui? De Dieu qui est esprit. Dieu qui envoie des messagers sur terre. Et il a pris William Branham. Un homme presque comme vous et moi. Il fait aux mêmes passions que vous et moi. Comme les deux élus ne puissent pas il demandait où est mon salaire? Il l'a tiré de la terre. Il est placé sous le ciel bleu. Et il commence à les commissionner dans la vision. En les mettant là où. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Il l'a placé dans le ciel. Et de là l'ordre est de faire l'œuvre de l'évangéliste. Comment allez-vous accomplir l'œuvre de l'évangéliste? Il fallait avoir un esprit voyageur. Et là-bas sous le ciel bleu, c'est là que passent les avions. Au-dessus des nuages. N'est-ce pas vrai? Et lui devait prendre des avions de temps en temps. Être ce messager-là qui sillonne le monde à travers les avions. Mais pour l'évangile de Dieu. C'était ça le signe. Alors qu'il était né d'une famille pauvre, il ne savait pas comment faire, mais Dieu qui donne la commission, il sait pourvoir les moyens. Et il a pourvu. Branham, un garçon qui a grandi dans la misère, il a fait plusieurs voyages en avion. Pour aller prier pour les malades. Il y a une même des familles qui ont apprêté des jets privés. Pour aller prendre rien que vraiment. Et qu'il vienne prier pour les cas. Plusieurs fois. Dieu pourvoyait. Lui-même l'homme, il a refusé plusieurs chèques de milliers de dollars. Car il s'est convaincu qu'il était un piège. On amène des chèques, il refuse. Pendant que la campagne et l'évangélisation demandaient des gros moyens. Mais chaque fois Dieu venait, il l'encourageait que tu as pris une bonne décision. Un combattant doit savoir vaincre. Il ne faut pas être comme ces Africains, ces Congolais, qui prennent de la conscience devant l'argent. Donc il n'a plus de personnalité. Mais soyez jamais comme cela, frère. ayez du caractère. Il faut dire non, dites non. Amen. Les pères chrétiens qu'on va bon il faut dire oui, dites oui. Mais il faut se conformer à la parole. Il faut pas. Voyez comment les gens se moquent maintenant de, même des serviteurs de Dieu. Oh, quelqu'un a appelé un pasteur. Allô, pasteur. Vous avez oh, Nazan Angomba. Je suis en prière, Namati Ngomba. Vous avez eh, Nazan Angomba, wa. Nazan Adjim, na yo. Hé, c'est le frère. Pasteur, il y a un homme qui est en train. Et pourquoi on a fait le montage comme ça? Il descend, chute, qu'il dit. Le bon pasteur, il se relève le pantalon, mais on savait s'excuser. Tout ça pour se moquer des serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de personnalité, c'est l'argent. Allez-vous vous rédiger comme ça? Dieu n'a plus besoin à l'honneur. Voyez frère, c'est honteux. Mais c'est ce que les gens font aujourd'hui. Le koso ya bongo, bisenga senga, na milelo tangoloso. Amona yo, oh vraiment. Il faut pas me faire un zambé, il n'y a pas de pambou là. Le zambé n'a pas de pambou là. Zambé, c'est un zambé. Même Jésus a dit que mon Dieu, c'est votre Dieu. Vous allez commencer à privatiser Dieu comme ça. Arrêtez le désordre. Arrêtez. Jésus-Christ est le même pour tous. Il est le même partout. Il m'a dit en semaine, Jésus-Christ est le même pour tous. Il a pris son serviteur Branham. Il l'a placé dans le ciel. Il a eu les commissions. La commission là, il dit, Et il devait descendre sur la terre, à travers la mission, à travers les avions, de lieu en lieu. Dieu est fidèle. Chaque signe est à sa place. C'est lui qui a des yeux pour voir. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Je pense que Dieu te fera grâce à travers sa parole à identifier la deuxième commission de William Branham. Et ce qui va avec. C'est tellement riche et important. Et pensez-vous pas que c'est si important? Oh mon Dieu. Dans les sermons, je vous vais juger. Cette fois-là, comme je vous avais dit, en l'année 1960. Jéhovah Jireh. Prêché le 2 août 1960. Le paragraphe 3. C'est un grand privilège de venir prier pour les gens. Bien des fois. Un grand privilège. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, dans la on a à certaines personnes très précieuses pour qu'ils ont été les signes ne guérissent pas. Voyez-vous, c'est tout seulement une confirmation de ma commission de prier pour les malades. Voyez-vous, une vision ne guérira jamais personne. Ni aucun autre signe non plus. Mais la confirmation d'une commission. Lorsqu'il m'a parlé cette nuit-là, il y a 14 ans, il parle ici en 1960, 1947, ça fait 14 ans. Non, 1960, 1946, ça fait 14 ans. Il y a 14 ans. Lorsqu'il m'a parlé, cette nuit-là, il y a 14 ans, le 7 mai, il donne pas la nuit. Il y a 14 ans, mais le 7 mai, il donne pas la nuit. Bien sûr, c'est 1946. Il a dit, priez-le pour prier pour les malades. Et il m'a dit, allez partout dans le monde. Qui aime entendre ça? Ça ne devait pas être que c'est vous venez dans un village, il est quelque part, un pays. Il est au monde entier. C'est ainsi qu'il lui a dit, ceci n'est pas Les portes de certaines églises se permettent de ouvrir le monde. Et l'ange a dit à Branham d'aller dans le monde entier, prier pour les malades. Et je lui ai dit, les gens ne voudront pas me croire quand je n'ai pas d'instruction. Et il a dit que le Branham que Moïse avait reçu défi, je recevrai défi. Et il a dit que le premier consistera en ceci. Les gens placeront leurs mains sur moi et je serai alors à mesure. Si je n'utilise pas ma propre pensée, je serai alors à mesure de leur dire exactement ce qui ne va pas. Ce serait lui qui parlerait. Et puis il a dit, si tu es sincère, il arrivera que tu connaîtras même les secrets de l'être. Ça, c'est ce que l'ange lui a dit le 7 mai. Ordonnant à l'homme d'aller prier pour les malades. Et lui montrant qu'il était né, étant porteur d'un don de guérison divine. Or, dans l'œuvre d'un évangéliste, il y a la prière pour les malades. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il nous donne l'ordre de faire l'œuvre d'évangéliste. Mais il vient annoncer, confirmer les dons de guérison 12 ans après. Soyez patient devant Dieu. Ne faites rien par précipitation. Ne cherchez même pas à tirer des conclusions personnelles. Attendez-vous au Seigneur et à son sang. Lui qui envoie un don, il sait donner les directives reliées à ses mains. Ne vous précipitez à rien. Ne sautez sur aucune occasion. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvelleront leur force. Qui ne vous dit pas une chose, soyez patient. Que lui parle et dise de quoi il parle. Voulez-vous faire de ça? Il y a trop de jeunes gens qui sont trop pressés et qui pensent bien faire les choses alors que ce n'est pas le cas. Soyez patient devant Dieu. Ne vous précipitez en rien. Alors, toujours là, en 1960, je prends également la prédication intitulée « Je serai avec toi comme je t'ai envoyé ». Prêché le 11 septembre 1960, à partir du paragraphe 178. Et là, jusqu'au paragraphe 184. C'est entre les mains des gens. Il est important que je lise parce qu'il s'agit d'un témoignage rattaché à lui-même. Il faut laisser lui-même dire ce qu'il a dit. Je vous multiplie d'abord mes explications. Voilà. J'aimerais que vous entendiez ce que lui-même dit à son sujet. Comment il apprend ce qu'il a dit. Très bien. C'est entre les mains des gens. Si vous croyez, la commission avait été donnée. Et c'est la chose initiale. D'accord? Il y a une commission qui a été donnée. Et c'est la chose initial. Le panneau de signalisation a été présent. Maintenant, pour vous mettre cela, si vous croyez que Dieu m'a envoyé au monde pour prier pour les malades, je serai capable d'offrir la prière de la foi pour vous. C'est de cette seule manière que cela peut être fait. Vous voulez bénéficier de ce don-là? Vous croyez que Dieu l'a envoyé non pas Jeffersonville, non pas aux États-Unis, mais au monde entier. Et s'il peut offrir la prière et que vous avez la foi, vous obtiendrez le résultat. Dieu ne peut jamais s'éloigner de sa commission. Quand il place une commission dans une commission, il ne s'en éloignera jamais. Les dons et les appels de Dieu irrévocables. Les hommes peuvent s'éloigner. Les hommes peuvent rejeter. Les hommes peuvent abandonner. Mais Dieu, lui, ne peut jamais s'éloigner de sa commission. Quelle que soit la personne à qui il a donné sa commission, Dieu s'y attache. Ouvrez les oreilles, entendez et répondez. Dieu ne peut jamais s'éloigner de sa commission. L'Écriture dit en effet que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu donne, il n'annule pas son don. Quand Dieu appelle, il ne peut pas annuler l'appel. Quelle que soit la réaction des gens, ce qu'il a établi est établi. C'est irrévocable. Dieu ne s'en éloignera jamais. Alors, qui est-il ton homme pour t'éloigner et te donner raison dans ton éloignement? Ça ne peut pas marcher devant Dieu. Dieu ne peut jamais s'éloigner de sa commission. J'ai manqué envers lui. C'est-à-dire, moi, Branham, j'ai failli. En essayant d'exercer cette commission, j'ai failli. J'ai été ici pendant près de 14 ans. Avec rien d'autre que des discernements clairs. Et à travers le monde. Au point qu'il y a eu des dizaines de milliers de fois, 1 million de cas, je pense. Je vous demande une seule chose. Est-ce que cela a jamais failli? Il demande aux contemporains, aux témoins qui non, monsieur. Et si le panneau de signalisation ne faillit pas, combien plus la commission ne faillira-t-elle jamais? Est-ce que vous réalisez que les commissions que Dieu donne sont infaillibles? C'est de la parole que Dieu donne à ce fait. Quand il prononce une parole, elle est infaillible. Quel que soit l'homme à laquelle à qui Dieu a dit cela, Dieu tiendra parole. Il gardera la commission. Il exécutera sa baleine. Et pour là, si le signe, c'est la partie secondaire. Le deux signes du lion étaient donnés. C'est la partie secondaire. Mais la commission était de prier pour les malades. Et 12 ans auparavant, le monde d'ordre était de faire l'œuvre de l'évangéliste. Avant de perdre le temps. Or, c'est justement ces deux hommes-là, cette commission, qui a donné à William Branham la réputation d'être un évangéliste. Il est connu dans le monde comme un évangéliste. Mais pourtant, Dieu ne lui avait pas dit qu'il était un évangéliste. Il avait dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Mais remplis bien ton ministère. Or, quand on lui dit ça, après le jour 1933, Dieu lui avait déjà donné une commission. ministère il a pris. Et c'est son ministère de 1933 qui devait en plus de ça, il devait faire l'œuvre d'un évangéliste en attendant que cela soit changé. Et pour là, et nous sommes en 1960 maintenant. Quand il parle ici, je serai avec toi. Ok, il dit. Si le signe, c'est la partie secondaire. Et le signe désignait la ville. S'il ne manque pas de boumir que la ville est là, combien plus la ville sera-t-elle là lorsque vous arriverez? Voilà la commission. Il dit, maintenant, mon ministère est en train de changer. 1960, 14 ans après la visitation de l'ange, le 1956, et ça fait 26 ans après la vision de 1950. Il a déjà changé. Il y aura toujours des discernements. Vous allez toujours. Tant que je sentirai que Dieu veut que je le dise. Mais jusque-là, à part ça, je prierai et imposerai les mains aux malades. Donc il m'a dit de le faire. Et je visiterai ma commission. J'ai attendu ceci pendant longtemps. Mais je crois maintenant que nous sommes prêts à nous emparer de la terre promise. Qu'est-ce qui devait arriver? L'injonction de l'appel de William Branham avec la première commission de William Branham, le vrai message devait être délivré. La mission particulière de l'homme devait être telle qu'il n'y en a eu jamais auparavant. L'exclusivité que Dieu avait réservée par cet homme. Le message de cette chose. Sango ya bile mosambo. Et voilà. Vous allez voir là. C'est ce qui approche. Yango bande ko belema. Et alors, il y avait une œuvre à accomplir quand il sera plus âgé. Mais en attendant qu'il devienne plus âgé, fais l'œuvre d'un évangéliste. Va prier pour les malades. En attendant qu'il soit plus âgé. En attendant que le message substantiel de préparation soit communiqué et puis transmis à l'église par la visitation de sept anges. Ayant au milieu de Christ en personne. Le même qui était descendu en 1933. Sous forme de colonne de feu. Le même est revenu en 1963. Je ne sais pas si vous voyez. En personne. Pour ordonner à Branham de retourner à Jefferson. Tous les sept sauts doivent être révélés. Il est venu en personne. 1963. Dieu d'Israël qui s'est révélé à Israël Dans la colonne de feu. Et sous la forme de colonne de nuée, la nuit, le même Dieu a reproduit les mêmes caractéristiques. Cette révélation est manifestée à l'intervalle de 30 ans. Colonne de feu d'abord, colonne de nuée ensuite. Apparaissons dedans. Au départ, il a parlé. Naibandeli alobaki. À la fin, son visage est apparu. Na suka lemoni tani. En personne. Na bomoto na yeboye. Non pas une vision. Naike mono neli. Ou un ange délégué. Ou un ange moko batinda. Na Dieu lui-même. Na yemoko. Mes chers amis. Aninga. Bien aimés frères et sœurs. Aninga vous pouvez voir le message du jour. Et la grande bonté de votre Dieu, en un temps mauvais comme ça, où les ténèbres couvrent toute la terre, mais vous avez fait grâce de connaître ces choses. Et d'en devenir participant, et même incroyable fervent, comment ne pas devenir un adorateur de Dieu? Abandonner toutes les qualités, les pour nous donner aux affaires braillons. Le chien, c'est du bien vivant. Nous donner ça, cœur et âme. Tout de nous. Ceci est important. Dieu qui se manifeste comme ça lui-même, et toi, c'est pas négligé. Voir ça comme rien. Oh, mais dans les autres églises, il y a aussi des témoignages. Continue à relativiser. Tu viens ou tu vas graisser les dents. Ne commets pas cette bêtise. Mais nous sommes prêts à nous emparer de la terre promise. Il y aura une œuvre accomplie par toi, quand tu seras prise à Chine. Et la prophétie de Charles Price, avec nous aujourd'hui, la promise, vous savez, la Kamaki, vous allez couper les mains. Vous prenez mon ministère, il a déjà changé. Il avait été Nazirayen pour ça. Pour proclamer le secret de cette chose. Alors que c'est le livre exclusif de l'agneau. Apocalypse 5, verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est un livre. Ni dans le ciel. On est alors là, dans le ciel. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Silence absolu. Voilà qui n'est pas innocent. Qui est digne? N'a rien bondi. Personne. Votre père. Jean qui a regardé la situation. Voilà, c'est la Philippe. Noël, quand vous savez. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Amen. Mais un des anciens. Mon frère n'a pas ça. Il est tapé au dos. Attends, c'est bon. Ne plaît pas, Jean. Laquelle, Johan? Voici le lion de la tribu de Juda. À la poste de Juda. Il a vaincu. Il a longu. Pour prendre l'olive. Voilà, pour jouer beaucoup. Et embrasser le sol. Et pour tout le Alléluia. Amen. Quel jubilé! Voilà, quelle consolation! Un bon rédempteur a été créé pour la race de Sidama. Pour la liberté de la race de Sidama. Pour la race de Sidama. Pour la liberté de la race de Sidama. Et puis Jésus, du milieu du trône. Et de quatre vivants. Quelqu'un qui est sorti. Comme un anneau immolé. Et la fondation de il fait votre il prie. Et alors il y a eu des acclamations. Il y a eu des jubilés. Des alléluia. Louange à Jésus. Alléluia. Amen. Et toutes les créatures l'ont entendu, j'en dis. Amen. Toutes les créatures l'ont entendu. Imaginez la résonance de cela même. Banza, boyokani, abutele pongo alolenge wana. Il dit amen et ça a été entendu par toutes les créatures. Et celles qui étaient au ciel, et celles qui étaient sur la terre, les animaux de forêt, les poissons de la mer, et des grands fleuves des océans, ils ont entendu cette amen. Des désespérés, anciens consolés, des perdus, rassurés de son salut. Bien-aimés, vous n'avez jamais senti perdu. Alors vous n'en profitez jamais la valeur de salut. Vous ne saurez pas pourquoi j'en poussais ainsi de plus. Je suis sauvé. Et plus rien ne pourra me perdre. Mon rédempteur est identifié. Et reconnu dans le ciel. Maintenant, est-elle libre? Je répare le Père. Et son fils unique. Et que ce soit un homme de la terre. Il soit qualifié. Et à mon état. De le lire pour vous les hommes. Yoka. Bukwango, il y a propriétaire originel. Il y a valeur dans mon filial. Il y a Yemei. A Simon dans mon filial. Bukwana, mystère. Et comment est-ce que tu es libanda? Mais ça n'est pas d'un il est beau sang. Mon côté à quoi? Pour pousser ça. Pour, bouge à Yango, attends. Toi-même, attaque au talent à Yango. Vous pouvez arriver à regarder le livre. Attaque au talent à Yango. Et ce livre-là, mystérieux. Depuis la création du monde. Attaque au talent à Yango. Sois confié. Et paix ta main. À un homme né d'une femme, un frère, les un homme terrestre, pour que lui le lise, et que nous accédions aux secrets qui sont contenus dedans. Est-ce que vous réalisez ça, mes frères? N'ayons pas on va t'en faire à t'en faire la poussée. Mais beaucoup y a bon mot. Car quand j'aime les tata, n'a moins été dit là, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il n'y a pas le bouc. Mais beaucoup y en a, et le moins alors à Kona. N'a pas beaucoup y a, moi je le moque. On a tiens beaucoup dans l'école. Aïe, d'ici avant, comme on a ajouana, salam salaya, vous parlez à l'Istambalam. C'est le vrai vagin. Nous les qui? Bon, va prier pour les malades dans le monde entier. Tu es pour faire de l'eau de guérison. Tout ça, c'est pour attendre. C'est pour multiplier les témoignages. Les expériences. Et vous qui ne doutez jamais de Dieu. Avec les témoignages, il y a mon toana. Des milliers et des milliers de cas. Mais au final, mieux vaut la fin d'une chose que cela. Au final, voilà maintenant. C'est l'affaire du livre personnel. Que Dieu les confie à un humain. Zambé, à voyez, attendez la bataille. et que bato sima bango koyoka bato ba beka pable kosanga bizango. Ah, quelle importance d'un tel don. Mes chers amis, nous n'allons pas devenir des adorateurs des noms. Mais nous devons reconnaître ce que Dieu a fait. Artiste mesure. Chaque fanatisme. C'est ce que Dieu a fait. Il a pris un homme. Il l'a introduit dans les secrets intimes de Dieu. Et il a permis à cet homme d'aller dévoiler ses secrets à son église sur la terre. Quel privilège. La bonté du Dieu vivant. Alors ici en 1960, il dit ceci. Nous sommes prêts à nous emparer de la terre promise. Mais il y en a un dans la gloire. De l'un mieux que ceci. Pour ce dérangement momentané, oubliez ça. Nous avons une consolation éternelle. Amen. Soyez avec moi là, et vous ne verrez plus ça. Est capable de supporter un peu plus que ça. Oui. C'est certain qu'il y aura quelques Rahab qui attendent. Rahab qui avait cru à la commission. Oui. C'est certain qu'il y aura quelques Rahab qui attendent. Moi je suis l'une d'elles. Rahab, je crois à la commission. Mais ce dernier celui-ci. La commission, j'y crois, mes amis. C'est certain, ça c'est certain. Il y aura quelques Rahab qui attendent. Hein? Mais c'est ne me donne pas à dire ce que je crois. L'application du signe, l'esprit de l'âme, la vie de prière, le navire y a pour toujours. Il y a quelqu'un d'arabe qui attend, et il y aura quelqu'un qui attend. Et qui le croira de tout son cœur. Je suis heureux de lire. Vous devez le comprendre. Vous tous ceux qui vous le donnent, vous êtes là, lève la main. On va t'appeler à dire amen. On vient croire que c'est absolument scripturaire. Amen. Cela est complètement ce qu'il a dit. Voici la commission. Voilà le panneau de signalisation. Il indique la commission. Maintenant, je défie n'importe qui, n'importe où dans le monde, de me dire au sujet de ces membres, où il essaye, montrez-moi une seule fois, où il a jamais dit ici sur le stade, ou dans n'importe quelle vision, pourquoi quelque chose d'autre si ce n'est exactement la chose vraie. Il est arrivé juste comme il avait dit. Il a dit à chaque personne exactement ce que son problème. Et tout ce qu'il en était. Et tout ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il devait faire. Et chaque fois qu'il y a, vous l'avez promis, un jour il en fait. Ou n'importe quelle chose concernant une guérison. Cela est arrivé de cette manière. Alors, le message de soi est failli. Les intermédiaires sont parfaits. Alors, le sommet est sublime. Parce que le qui croit de tout son cœur. Il dit, si vous connaissez une circonstance, faites-le-moi savoir. Et je vais recourir à la banque pour faire cela. Cela n'a jamais failli. Pendant ces 12 longues années, 14 années, cela n'a jamais failli. Parce que cela ne peut pas faillir. Le signe avait été donné par lui. Cela ne peut pas faillir. Oui, avant que Dieu ait donné le signe, il a donné la commission. Après ça, qu'il vous fait moussala. Avant qu'il puisse y avoir un signe d'identification. Avant qu'il y ait une signalisation. Hein? Une signalisation pour indiquer une ville. Il doit d'abord y avoir une ville qui puisse être indiquée. Et si vous l'avez pris de tout votre cœur, vous recevrez la prière de la foi. Sauvera le malade. Dieu le relèvera. Quel que soit ton cas maintenant, c'est le même message qui est proclamé. Nous apprendrons maintenant. La solution est ici, mais porte des mains. Garde plus de douleur. Tu n'as plus de chemin. Tendez la main. Dieu nous aime, il est notre délivrance. Maintenant, j'ai reçu moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de finalisation. En disant souvent, Seigneur, montre-moi donc. Avant que je prie pour vous, quand je ne sais pas ce que je préfère, oh, combien cela a été si cruel. Je demanderai à l'Assemblée de me pardonner. Au lieu d'aller prier pour le malade, il ne veut pas la guérison. Lui a commencé à diviser les visions et de signes avant d'aller prier. Il a commencé à faire des choses. Va prier pour le malade. Il ne commence pas à le faire. Fais la prière. Non, montre-moi d'abord. Je veux d'abord. Quelle cruauté. Il demande à l'Assemblée de me parler. Aux assemblées du monde. Je vous ferai aussi ce plan. Pardonnez-moi. J'avais tort. Il a essayé de mal appliquer sa commission. Il devait aller prier pour le malade, mais lui, il commence à conditionner. Il faut qu'il ait d'abord un signe. Sinon il ne va pas parler. Mais Dieu t'a déjà dit, va prier pour le malade. Le cœur humain. Toujours faillible. Mais la parole de Dieu. Toujours infaillible. Infaillible. Vous assemblez du monde entier. Pardonnez-moi. J'avais tort. Je n'aurais jamais vu que je suis dit pour la commission comme cela. Et Dieu nous aide, hein, à être si humble. Ne pensez pas que quand Dieu vous donne la commission, vous êtes devenu parfait. Vous êtes un humain faillible. Vous pouvez mal faire les choses. Apprenez à être corrigé. Et acceptez la correction. Nous sommes frères et sœurs. Et toi aussi, ne sois pas un extrémiste. Comment on a une commission pour y avoir quelque chose à boire? Brennan est une commission. Il a fauté. Et c'est un humain. Mais Jésus seul ne pouvait pas fauter. Il était Dieu et devenu homme. Infaillible comme oh, il est. Je ne veux pas dire que la commission est restée là. Cela n'était pas sa commission pour commencer. Les signes qui ont été donnés, oui, c'est un signe indiquant la commission. J'aurais dû prier pour les malades partout. 14 ans après, il a mal procédé. L'être humain. L'être humain toujours faillible. Êtes-vous là? Je vais maintenant terminer. Je voudrais lire quelque chose ici. C'est aussi important. Donc, une ligne de prière. Je vous l'ai promis ce matin, je voudrais lire ici ça. Vous verrez que vous l'avez déjà entendu. Moi, juste vous l'avez ici. Donc, une ligne de prière. Vendredi 27 novembre 1960. Premier paragraphe. Et première partie du paragraphe. Merci. Bonsoir, mes amis. Et vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, il y a environ 7 ans. 7 ans. Là, on est en 1953. Ça fait 7 ans. Alors, il y a environ 7 ans. Le 7 mai 1946, à Greensmill, dans l'Indiana, un ange est entré dans la pièce où j'étais. Un homme marchant moto abane ko tamboloka. Il n'avait pas d'elle. Ya zalaki na mapapuche. C'était juste un homme grand. Azalaki mobele moto monene. Hein? Un grand homme. Moto monene. Plus que la corpulence de Jésus. Koleka zoto libanda boye. Jésus est le grand maître. Ya zalaki mukolo monene penda. Il est le Dieu suprême. Le Dieu très haut. Namba lekin kolo menji. Voici un ange envoyé de sa part. Moi ya tinami utana. Quel aspect il avait? Le gina zalaki nango. Il n'avait pas d'elle. C'était juste un homme grand. Vêtu d'un vêtement blanc. Il lui descendait jusqu'au pied. Et il a dit que je tenais pour prier pour les malades. Et je lui ai dit que j'étais sans inscription. Il est prêt. Et que je ne suis pas capable d'aller. Il a dit que je prierai pour des rois et des monarques. Et le message à travers le monde, un message qui annoncerait que la seconde venue de Christ était proche. Et je lui ai dit que je ne pourrais pas le faire. Comme les commissions authentiques sont souvent refusées. Ce que Dieu envoie fouille toujours la tâche. Il a des excuses pour ne pas le faire. Il m'a alors dit que je mettrai les mains sur les gens et qu'il leur serait dit ce qui n'allait pas. Et il a dit ensuite, si tu es sincère, il arrivera que tu connaîtras même les secrets de leur cœur. A-t-il dit, et par cela, ils croiront. Ici. Signe complémentaire. Mais la commission, c'est d'aller prier pour les malades. Tout en sachant qu'il était porteur d'un don. Amen. Voilà nos trois passages commentés ce matin. Voilà, Amen. Et on continuera sur la deuxième commission en semaine. Il y a des choses sur lesquelles on doit mettre un peu l'insistance pour que, en tant qu'Église de Dieu, vous compreniez davantage et que votre entendement soit éclairé. Et c'est pour votre édification. Alors, il y a une question qui est arrivée ici. Un pasteur, une préoccupation. Vous parlez de la deuxième commission du 7 mai 1936. Alors, celle de 1934, comme elle était donnée par une vision, n'était-elle pas une commission? 1934. Quelle soit la deuxième et celle de 1946, troisième et celle de 62, non. Voilà. La commission, c'est par rapport à la teneur au contenu. Donc, Dieu peut répéter cela à des occasions différentes. Mais tant que le message de fond, c'est le même. C'est la même commission. Et ici, si nous avons choisi la date de 1946, justement, c'est le prophète qui a vécu sans lui-même. Il a prêché là comme il a dit, comment l'ange est venu à moi et sa commission. Mais quand vous prenez ça comme base, vous prenez ce qu'il a témoigné avant et qu'il a fait de sa commission d'une certaine façon. Vous prenez les éléments là. Ils n'avaient pas un lien avec la première commission. Vous voyez bien que ça cadre avec la deuxième. Êtes-vous là? Voilà. Et là, c'était pour faire l'œuvre. Et que cela ne faisait pas de lui un évangéliste. Mais c'était un travail intermédiaire. Voilà l'approche. Nous sommes en train de voir ici. Que Dieu vous bénisse. Nous tenir debout pour la prière. Cantique Hosanna, numéro 241. Ce monde n'est pas chez moi. innocente, elle prépara un jour, tout en je me pensais, ouvrir la porte des cieux, et mes compagnies, comme chez moi, danser, Seigneur. Après d'aller comme toi, et elle ne se passe chez moi, et que Dieu nous a équipés. Il a songé à nous. Offrons-lui nos prières de reconnaissance. Adorons ce Père en l'amour. Ce Dieu puissant. Qui se rappelle dans la sainteté. Qui se fait petit. Mais qui a fait de grandes prières. Qui peut envoyer un prophète. Un ange. Un porteur de message avec des signes en appui. Et il est celui qui veut que chacun de nous soit accompagné des signes de la foi. Que notre foi ne soit pas théorique, fabuleuse, mais que ce soit une foi démontrée, une foi prouvée. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le même. Il guérit encore toutes les maladies. Sois témoin. Dans la moutarde, et prions chacun. Et tout le monde est en mémoire maintenant. Mmh. n'y a pas une dame comme toi qui me tienne de ma chemin. Alors que ferais-je? Les anges me font et c'est la porte des gars. Je me sens jamais comme chez moi. Encore, encore, ça y est, y'a dans la manga. La santa l'aura, la tête à la paix. Quand j'ai pas bien mis l'ail, oh, ça a l'école. La santa belle. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons te dire grand merci pour ce matin, ta grâce merveilleuse et la bonne nouvelle de ton royaume. L'évangile promis pour ce temps, qui devait être prêché et cru dans le monde entier. Merci pour ton messager, merci pour ta fidélité, merci pour ta vérité, merci pour ta grande puissance. Pour continuer à secourir l'Église. Honore la foi de tous les croyants. Chacun dans ses besoins. Et toute l'Église de Dieu. Honore la foi. Là où il y a la foi de tout cœur. Honore cette foi, Seigneur. En donnant solution. Réponse à toute situation qui nécessite ton intervention. Agrée nos prières par le sang de Jésus-Christ. Sanctifie-le Jésus. Même quand il y aurait de la faille, des insuffisances, des impuretés dans nos paroles. Mais nous comptons sur le sang rédempteur pour que nos paroles soient purifiées et acceptées, validées et qu'ainsi exaucent en Dieu. Nous avons prié de guérir les malades et nous croyons que tu l'as fait. Toi, notre Rédempteur, tu es vivant et clairement identifié. Nous n'avons pas de confession. Nous voulons te servir et bénéficier de tout l'héritage que tu as promis à tes sanctifiés. Tu avais dit, mon peuple jouira de mes biens. Mon peuple se rassasiera de mes biens. Jusque là, nous ne sommes pas encore rassasiés. Nous voulons continuer à les consommer. Consommer les bénédictions promises. Consommer les promesses de l'aliment. Consommer sa puissance. Les visions. Les dons divins, les dons célestes, tous les bienfaits de Dieu, consommez et consommez toujours. Nourris-nous davantage et conduis ton église. Protège chacun à le moment de séparation jusqu'à nous revoir. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement.